J'irai dans ta chambre pendant que tu dors. Je poserai un couteau au creux de ta gorge. Je poserai un couteau au creux de ta gorge. Je poserai un couteau au creux de ta gorge.